Du 15 avril 2023 par Thierry Pirlo, Sherpa One. Les divulgations de l'Alliance en cours sur la situation en Ukraine. Un alerteur publie cette information sur VK. Voici le début du message. Des soldats russes affirment avoir fait une horrible découverte en Ukraine. Des enfants âgés de 2 à 7 ans sont élevés dans des fermes industrielles. Les plus beaux sont vendus comme esclaves sexuels à des pédophiles de l'élite. Ceux qui ne trouvent pas preneur sont découpés comme des déchets. Leurs organes sont ensuite prélevés et vendus. Ce que j'en pense. Nous ne savons pas ce qui se passe là-bas. Il s'agit d'une information sans aucune preuve tangible. Est-ce que j'y crois? Oui. L'Ukraine est un véritable cloaque pour le trafic de drogue, d'enfants, d'organes et plus encore. L'état profond ne semble pas du tout apprécier que Poutine soit là-bas en train de fouiner et de faire le ménage. La guerre nous a déjà permis de découvrir l'existence de laboratoires biologiques américains. Cela ne me surprendrait pas non plus qu'il y ait des fermes d'enfants là-bas. Priez pour les enfants, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Ils sont quelque part en train de vivre ce qu'aucun enfant ne devrait vivre au moment où vous lisez ces lignes. Fin du message. Pendant que le mouton moyen se tracasse de savoir si son pognon ne va pas disparaître de ses comptes, s'il va pouvoir rester propriétaire, si le passeport numérique ou la vax obligatoire vont être imposés, s'il va devoir se déplacer à pince ou si ses vacances d'été ne vont pas tomber à l'eau, les divulgations, elles, continuent de plus belle, toujours pour le grand réveil. Mon bilan à cette heure est que nous avons 0,1% de vrais éveillés, 20% d'éveillés, 30% d'interrogatifs en phase d'éveil et 50% de dissonants cognitifs, dont 20 irrécupérables. Le point sur les divulgations en cours. Bêtises humaines, check. Covid, check. Vax, check. Effets secondaires, check. Dictature sanitaire, check. Scandale politique, check. Réalité sur l'Ukraine, check. Réalité sur les BRICS, check. Nouvel ordre mondial, check. Davos, OMS, check. OTAN, ONU, check. Fraude du climat, check. Chemtrails, check. Sosie politique, check. Pédophilie, check. Pédosatanisme des élites, check. Scandales à Hollywood, check. Sacrifice rituel, check. Adrénochrome, check. Et maintenant, ferme d'élevage d'enfants, prostitution d'enfants, trafic d'organes et cannibalisme en Ukraine, check. Bakhmout est une ville sous laquelle se trouvent des centaines de kilomètres de galeries et de souterrains qui ont été investis et repris depuis des semaines par l'unité d'élite Wagner. Le nettoyage arrive à sa fin et les ukro-nazis ont subi des pertes énormes en soldats pour protéger ces endroits immondes et pour que la Russie ne découvre pas le trafic innommable de ces sociopathes couverts par l'OTAN, l'ONU et les États-Unis, à l'instar de l'usine Azovstal. Du côté de la Chine, Xi Jinping s'apprête à faire de même avec Taïwan. Drain the swamp veut dire nettoyer le marais. USA avec Trump, check. Russie avec Poutine, en cours. Chine avec Xi Jinping, en cours. Inde avec Modi, check. Brésil avec Bolsonaro, en cours. Europe et pays hors UE avec l'Alliance internationale, en cours. Alors beaucoup disent que ces divulgations sont lentes et peu corroborées par des éléments factuels et visibles. Dites-vous bien que si cette alliance humaine et militaire avait choisi l'option EBS d'entrée de jeu, Emergency Broadcast System, entraînant un réveil rapide et non contrôlé, on aurait la moitié de la population qui se battrait dans les centres-villes, et l'autre qui serait chez le psy, quand elle ne se foutrait pas en l'air tout simplement. L'objectif principal est bien de réveiller les populations crescendo pour la transition, tout en prévenant les guerres civiles. On nous expose les choses comme on le ferait à des gamins de 10 ans. Car c'est le niveau mental moyen de la population mondiale, en totale dissonance cognitive entre sa réalité et la réalité. Vous n'y croyez pas? Ce n'est pas grave. Ce n'est plus qu'une question de temps maintenant, avant que tout cela n'explose à la gueule du troupeau. Profitez-en, car pour le moment, on est encore dans les divulgations relativement « soft ». Néanmoins, pour ceux qui ont encore un cerveau opérationnel, essayez de ne pas focaliser sur le doigt qui montre la lune. Pour les autres, eh bien, continuez à regarder la télé. Sherpa One.